contes de fées en français. L'homme qui avait enfin trouvé la peur. Il était une fois, vivait un homme courageux et sans peur du nom de Triton. Au pays de Strogarth, même si le courage était chose commune pour Triton, la peur était un mot qui n'existait même pas dans son dictionnaire. Certains disaient qu'il manquait de sagesse, d'autres disaient qu'il était inconscient. Mais le garçon ne savait littéralement pas ce qu'était la peur. Oh, Triton, tu es si courageux, mais tu n'as vraiment pas peur du tout? Hein? Et qu'est-ce que c'est? La peur, quand quelque chose te fait peur et que tu as peur. Ah, ça doit faire vraiment bizarre de se sentir comme ça. Je vais chercher un peu. Enfin bref, bonne journée à vous. Bonne journée. Comme tout le monde lui parlait tout le temps de la peur, Triton devint très curieux. Il décida de s'aventurer dans le monde pour trouver la peur. Il marcha pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il tombe sur un pauvre homme assis au milieu des bois et qui pleurait. Oh, mon bon monsieur, s'il te plaît, aide-moi. Ma famille, ils ont été pris en otage par le dragon qui vit dans la grotte. S'il te plaît, aide-nous. Bien sûr que je vais vous aider. Je vais vaincre le dragon et libérer votre famille. Il courut à toute allure en direction de la grotte. Quand il y arriva, il vit un dragon magnifique allongé à côté de la famille du pauvre homme. Ah, un jeune fou! Tu es venu ici pour te faire dévorer? Je suis venu pour libérer ces prisonniers que tu gardes là. Ah oui? Viens un peu essayer, tiens. Triton courut à un arbre tout près et en cassa une branche. Il l'attacha à un lasso et la propulsa à la tête du dragon pour qu'elle s'accroche dans sa gueule. Il attrapa une autre branche et en se balançant, il s'élança vers le dragon et se hissa sur son dos. Ha ha! Tu es à moi maintenant. Allez, vas-y, vole! Triton sauta du dos du dragon et atterrit devant le pauvre homme qui était maintenant avec sa famille réunie. Le dragon s'enfuit en volant dans les airs. Merci, mon brave. Tu as sauvé ma famille. Je m'appelle Arzan et je suis très sincèrement reconnaissant. Tout le plaisir était pour moi. N'as-tu pas eu peur quand tu as dû affronter le dragon? J'étais censé avoir peur, là? J'ai juste senti l'adrénaline couler dans mes veines. Je cherche toujours ce que vous appelez la peur et j'attends encore de la trouver. Très loin d'ici, dans une ville appelée Dreyfar, il y a un oracle qui aura la réponse à ce que tu cherches. Va là-bas et donne-lui ce bracelet et tu trouveras alors ce que tu cherches. Merci. Triton reprit son voyage pour aller trouver la peur. Il traversa de nombreuses forêts denses et des déserts brûlants et des hivers rudes et glaciales, jusqu'à ce qu'un jour, il arriva enfin à la ville de Dreyfar. Comme on lui avait dit, il alla voir l'oracle. Quand il entra, il vit un homme mystérieux sous une cape, assis devant un brasier magique. Bonjour, Triton. C'était toi que j'attendais. Comment connais-tu mon nom? Triton, l'homme sans peur. C'est comme ça qu'on t'appelle. On raconte des fables sur ton combat légendaire avec le dragon sacré. J'ai voyagé depuis très longtemps et dans tous les recoins à la recherche de ce sentiment qu'on appelle la peur. Dis-moi, ô grand sage, où pourrais-je trouver la peur? Voilà une question intéressante. Mais quelle serait ma récompense pour te donner la réponse à ce que tu cherches? La seule chose que j'ai à donner, c'est ce bracelet. Ah, le bracelet enchanté de la destinée. Magnifique. C'est un bracelet magique qui constitue en fait une paire. Ramène-moi l'autre morceau et tu trouveras la paire. Rends-toi sur la côte et plonge tout au fond de l'océan. C'est là que tu trouveras le bracelet et la véritable sensation de peur. Et c'est tout. Triton alla à l'océan et entra dans l'eau. En arrivant au point dit, il trouva un bateau coincé sur un petit iceberg, sur le point de couler au fond de l'eau. À l'aide! À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Je dois l'aider! Triton sauta dans l'eau glacée infestée de requins et nagea vers le bateau. Quand il atteignit le bateau, il se sentit tiré vers le fond par une force extrême. En arrivant au fond, il vit une sirène qui tenait une chaîne dans chaque main. Avec l'une, elle tirait le bateau vers le fond et avec l'autre, elle le tirait vers le fond. Dans sa main, elle tenait aussi le bracelet, le brassard enchanté de la destinée. Triton tira la sirène vers lui de toutes ses forces et enroula la chaîne autour d'elle. Il arracha le bracelet à la sirène et nagea pour revenir au bord de l'eau. Je l'ai eu. Il retourna à la tente de l'oracle, mais il n'y avait plus personne. Triste et désappointé de n'avoir pas encore trouvé la peur, il marcha en ville où il entendit la cloche du royaume retentir deux fois. Excusez-moi, monsieur. Que signifie la cloche qui sonne comme ça? Le roi de Tréfar a annoncé son départ à la retraite. Au son des trois cloches, le phénix sera relâché. Il volera vers quelqu'un qui devra alors être emmené au palais du roi. Reste donc un peu pour voir ce qu'il se passe. Les cloches vont sonner à tout moment maintenant. Quelques instants plus tard, les cloches du royaume sonnèrent deux fois. Les gens du royaume se levèrent dans la tente, tandis qu'un beau phénix sortit des flammes et s'envola dans les airs. Waouh ! Quelle créature magnifique ! Le phénix vola dans les airs et se dirigea directement vers Triton, qui fut plus que surpris. Et en moins d'une seconde, ils disparurent tous deux dans les airs. Le phénix emmena Triton à la cour du palais du roi de Dreyfar. Bienvenue, Triton. Votre Majesté, c'est vous, l'homme que j'ai sauvé dans les bois. Oui, Triton. Je n'ai pas arrêté de me chercher un successeur au trône, mais aucun ne s'est montré digne. J'ai besoin d'un homme brave, courageux, fort et bon. Toutes ces vertus sont très importantes pour un roi. Vertu que tu possèdes, Triton. Quoi? Et donc, tu veux dire que, depuis le début, tout cela n'était qu'un test? Le dragon et l'océan profond avec la sirène effrayante? Et tout le reste, ce n'était que des tests? Oui, et tu as été super. C'est pour cela que je te choisis pour être mon successeur. Mais si je n'arrive pas à rendre les gens heureux... À cet instant exact, un soudain sentiment de peur commença par l'envahir pour la première fois. Et si je ne réussis pas? Et si j'échoue? Quel est ce sentiment? Est-ce que c'est ce que vous appelez la peur? Triton, tu es un homme à l'âme noble, avec un cœur de lion. Je suis sûr que tu seras un grand roi, si tu décides d'accepter. Ne laisse pas la peur te dépasser. Permets-lui de te guider. Apprends d'elle. Merci, roi Arzan. J'accepte humblement votre proposition. Et ainsi, Triton devint roi de Dreyfar et continua de régner sur le royaume en étant un grand roi, aimé de tous, avec la peur assise à ses côtés. Longue vie au roi Triton! Longue vie au roi Triton! Et les fables du roi Triton, le sans-peur, ont été transmises sur plusieurs générations, car on n'avait jamais connu à Dreyfar de roi plus brave, plus gentil et plus courageux.